Merci beaucoup, Manu Farine, à la semaine prochaine. Hingan Hall d'Achatla, parlez-vous Klingon? Personnellement non, comme vous venez de l'entendre, mais si j'ai pu vous dire cette phrase, c'est parce qu'il existe des traducteurs automatiques français Klingon, cette race d'extraterrestres belliqueux de la série Star Trek. De même qu'il existe un traducteur automatique français Sindarin, l'un des deux langages elfiques inventés par Tolkien, c'est dire l'importance culturelle qu'ont revêtu aujourd'hui ces langages imaginaires dans la culture populaire, à tel point qu'une série comme Game of Thrones s'est elle aussi pliée à l'exercice pour convertir les quelques mots du langage des barbares d'Othraki présents dans le livre en langage complet et complexe. Aujourd'hui, c'est donc la méthode scientifique LV3 Klingon. Langue de fiction, option Klingon, c'est le programme étranger qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour nous guider donc dans ces langages construits, ces conlangues, comme on dit aujourd'hui en anglais, nous avons la chance d'avoir pour traducteur Frédéric Landragin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en linguistique au CNRS, auteur de « Comment parler aux aliens » dans la collection Parallax du camarade Roland Lehoux. C'était aux éditions du Bélial. Mais avant de débuter nos leçons delphiques de Klingon ou de Wookie, elle est nettement moins poilue que Chewbacca, mais beaucoup plus calée sur l'actualité scientifique de la semaine. C'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Le Journal des Sciences. Premier sujet, pour commencer ce journal des sciences, il y aurait, selon une étude publiée dans la revue Nature Genetics, des prédispositions génétiques à l'insomnie, Natacha. Et c'est l'un des problèmes de santé les plus répandus dans le monde, hein. Cela concerne 770 millions de personnes. En France, c'est 16% des adultes de plus de 15 ans qui souffrent d'insomnie chronique. Alors on sait qu'il y a une forte composante neurobiologique et cela fait plusieurs années que l'on cherche des gènes liés à l'insomnie. Avec cette étude, cela se précise un peu plus. L'ADN d'1 300 000 patients a été analysé. C'est la plus grande étude d'association génétique jamais menée. Jusqu'ici, on avait étudié 300 000 personnes. Et sur cette très grande cohorte, 30% d'entre eux sont diagnostiqués insomniaques selon les critères cliniques. Et des facteurs de vulnérabilité à l'insomnie ont été détectés. 956 gènes sont impliqués dans les troubles du sommeil. Joëlle Adrien est présidente de l'Institut National du Sommeil et neurobiologiste à l'INSERM. Elle nous parle des corrélations génétiques qui ressortent de cette étude. Ce qu'on trouve, c'est que les gènes les plus signifiants, c'est-à-dire ceux qui sont les plus vulnérables chez les insomniaques, sont les gènes qui régulent l'humeur, c'est-à-dire la dépression, l'anxiété, et ensuite aussi la faculté de gérer ses émotions. On sait qu'il y a une relation entre la dépression, l'anxiété, l'insomnie. Tout ça, ce sont des choses que l'on connaît sur le plan clinique. Et là, bon, on est en train de trouver des principaux gènes qui expliquent cette vulnérabilité. D'où l'idée de trouver des traitements qui vont d'emblée diminuer cette vulnérabilité. Ce qu'il y a d'original dans cette étude, c'est qu'elle a identifié des structures du cerveau qui sont impliqués, bon, notamment les axones, c'est-à-dire les neurones qui vont réguler le comportement locomoteur. Alors ça, on ne sait pas trop quel est le mécanisme, mais ce qui est intéressant, c'est que les régions où ces neurones portent des gènes de vulnérabilité, ce sont les régions qui sont impliquées dans la gestion des émotions. L'insomnie, c'est vraiment un ensemble de choses. Mais il y a une vulnérabilité génétique qui est là, qu'on n'a jamais su vraiment prendre en charge, et que là, on peut espérer prendre en charge. Voilà, l'insomnie, c'est une pathologie très complexe. Ce n'est pas une maladie génétique, mais on sait que l'hérédité joue un rôle important, que 30 à 60% des insomniaques ont un héritage dans leur famille, en particulier chez les femmes. Alors voilà, cette étude, c'est une avancée, car pour la première fois, on va pouvoir commencer à rechercher en laboratoire des mécanismes sous-jacents dans les cellules cérébrales individuelles. Cela ouvre de nouvelles cibles thérapeutiques. On écoute à ce sujet Isabelle Arnulf, neurologue à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris. Elle dirige le service des pathologies du sommeil. Ce qu'ils ont trouvé de plus associé en premier, c'est les gènes qu'on appelle MACE et BTBD9, qui sont des gènes qu'on connaît depuis déjà une dizaine d'années dans le syndrome des jambes sans repos. Donc ça on le savait, mais ils le retrouvent sur 1 million de personnes comme gène principalement associé à l'insomnie. Derrière ça, ils vont retrouver des corrélations entre les personnes qui sont anxieuses, dépressives, dépression sévère ou très dépressives, et la présence d'insomnie. Et puis la troisième découverte qu'ils font, c'est que cette plainte de mauvais sommeil est associée génétiquement à plus de diabète de type 2, du diabète gras, à plus de problèmes métaboliques, de prise de poids, et à un risque accru de problèmes coronaires, de problèmes cardiaques. Donc c'est les trois points d'association majeurs qu'ils ont trouvés. Peut-être de rappeler quand même, parce que ça c'est encore ignoré par une partie de la communauté médicale et des patients, qu'on peut être insomniaque pour une raison neurologique, pas que pour une raison psychiatrique. Et moi je pense par exemple à nos autorités sanitaires qui sont assez méprisantes sur l'insomnie. Il n'y a pas une reconnaissance que c'est une vraie maladie qui plombe les personnes, qui rend leur vie quotidienne insupportable, et de montrer qu'il y a un surrisque cardiaque, métabolique, de prise de poids, de psychopathologie, et qu'il est montré aussi de façon génétique, redonne un petit peu de matière et de sens au fait qu'il faut s'en occuper et qu'il faut prendre en charge ces patients-là. En bref, mission réussie pour la sonde Hayabusa 2 qui a réussi à se poser sur l'astéroïde Ryugu et à prélever des échantillons de poussière d'astéroïde. Donc. On peut parler de prouesse technique car ça s'est passé à 340 millions de kilomètres de la Terre sur un astéroïde minuscule. L'opération a duré 5 secondes et a permis la capture d'une centaine de milligrammes de poussière, ce qui est beaucoup. Et la sonde devrait revenir sur Terre avec son précieux butin d'ici décembre 2020. Voilà, nous allons y revenir dans une prochaine émission le mardi 12 mars. Ce sera notre émission d'ailleurs en partenariat avec nos camarades de Science et Avenir. En bref, toujours premier vol d'essai inhabité de la nouvelle fusée de SpaceX qui aura lieu demain, cette fois-ci en Floride. La capsule Dragon 2 devrait s'amarrer à la station spatiale internationale dimanche pour revenir sur Terre le 8 mars. L'enjeu est important parce que pour les États-Unis, il s'agit de ne plus dépendre de la Russie pour le transport de ses astronautes. Seuls les taxi-navettes Soyuz permettent de rejoindre l'ISS. Si tout se déroule bien demain, la NASA prévoit d'envoyer ses astronautes depuis le sol américain d'ici la fin de l'année. Deuxième sujet cette semaine, une étude parue dans Nature Geoscience, cette fois sur une conséquence probable, ou possible en tout cas, du réchauffement climatique sur les nuages, la disparition des stratocumulus. C'est une étude qui a fait parler d'elle cette semaine. Selon elle, si on atteint des niveaux de CO2 dans l'atmosphère de 1200 parties par million, les stratocumulus pourraient disparaître. Et selon les simulations, cela pourrait se produire dans 100 ans, si l'on poursuit nos activités au rythme actuel. Ce qui est problématique, c'est que les stratocumulus, ce sont ces nuages bas qui couvrent les océans, qui réfléchissent beaucoup la lumière du soleil et qui ont donc un effet refroidissant. L'étude explique que si ces nuages venaient à disparaître, cela provoquerait un réchauffement supplémentaire de l'atmosphère d'environ 8 degrés Celsius. Alors ces résultats sont déjà discutés par la communauté scientifique. Néanmoins, l'étude met en exergue un effet boule de neige non négligeable, ce qu'on appelle la rétroaction positive, ou en anglais feedback. François-Marie Bréon est physicien climatologue, directeur adjoint du laboratoire des sciences et de l'environnement. On l'écoute. Pour étudier ça, ils ont utilisé de la modélisation à très fine échelle, à beaucoup plus fine échelle que les modèles de climat qu'on utilise généralement pour regarder ce qui va se passer dans le futur. Donc finalement, ils disent, ah ben tiens, on a mis en évidence un processus finalement qui n'est pas dans les modèles de climat actuels. Donc c'est ça qui est potentiellement intéressant pour nous alerter sur le fait que il peut y avoir des surprises un petit peu désagréables dans le cadre du changement climatique qui ne sont pas anticipées avec les modèles qu'on a actuellement. On sait bien que les nuages vont avoir un effet de rétroaction. Dans un climat plus chaud, peut-être qu'il y aura plus de nuages, peut-être qu'il y aura moins de nuages, plus de nuages élevés ou moins de nuages élevés. Et en fait, l'incertitude sur le réchauffement climatique, est-ce que pour un niveau de CO2 donné, est-ce qu'on va avoir plus de 2 degrés ou plus 3 degrés, vous savez qu'il y a une incertitude de ce type-là, et ben c'est essentiellement justement parce que on n'est pas très certain quelle va être la rétroaction des nuages. Comment les nuages vont se comporter dans un climat plus chaud? Quand on veut prévoir quelle va être l'augmentation des températures dans le futur, c'est vraiment la rétroaction des nuages qui est l'incertitude principale aujourd'hui. Donc ça montre quand même que, attention, il y a peut-être des rétroactions positives qu'on n'a pas vues encore et qui vont peut-être se mettre en route. En bref, la rougeole avait été éradiquée du Costa Rica depuis 5 ans, mais ça c'était avant cette famille de Français d'antivax qui vient de réintroduire le virus dans le pays. L'enfant et ses parents n'étaient donc pas vaccinés, ils avaient contracté le virus en France avant leur départ. Dès les premiers symptômes, la famille a été placée en quarantaine, mais les autorités sanitaires s'inquiètent car ils ont voyagé à destination du Costa Rica pendant 12 heures aux côtés de 300 passagers. Alors, depuis plusieurs années, le pays mène une solide campagne de vaccination et de sensibilisation auprès des anti-vaccins. Le virus avait déjà été éradiqué en 2006, avant qu'un touriste ne le réintroduise en 2014. Une fois n'est pas coutume, une bonne surprise, cette fois-ci dans les Galapagos, avec la découverte d'une tortue géante d'une espèce que l'on croyait éteinte. Oui, une espèce qu'on croyait éteinte depuis plus d'un siècle. C'est au cours d'une expédition dans le parc national des Galapagos que des rangers ont découvert cette belle et grosse tortue femelle qui aurait environ 100 ans. Elles peuvent vivre jusqu'à 200 ans. Et donc une nouvelle expédition est prévue avec l'espoir de trouver d'autres spécimens. Et pour finir, comme chaque semaine, par notre rubrique de science improbable, un cas rare en otorhinolaryngologie, en ORL, qui nous vient de la revue médicale BMJ Case Reports, la découverte d'une dent qui avait poussé à l'intérieur d'un nez. Oui, ça faisait 2 ans qu'un Danois de 59 ans souffrait de ce qu'on pensait être une sinusite chronique. Il avait même perdu l'odorat. Donc grosse surprise au moment du scanner, hein, une dent solidement implantée dans la muqueuse nasale. Les docteurs n'expliquent pas du tout ce phénomène. La dent a été extraite, le patient a depuis retrouvé son odorat. C'est rarissime, mais tout de même, l'étude dit que c'est le 23e cas en 50 ans. Voilà, vous êtes tous en train de vous gratter nerveusement les narines. Voilà, jamais mouchage n'aura été si complexe et si douloureux. Merci beaucoup, Natacha Trier. On vous retrouve la semaine prochaine. How did you? La méthode scientifique, Nicolas Martin. Valar Morghulis, dit Arya Stark dans Game of Thrones. Valar Morghulis, pour tout homme doit mourir en haut valyrien, l'un des nombreux langages fictifs. Alors, il faut dire langage fictif, mais aussi langage imaginaire, mais plutôt même aujourd'hui langage construit pour constructed language en anglais ou conlang. Avec le Dothraki, le langage des cavaliers barbares, ça rejoint la longue liste, la très longue liste de ces langages inventés par des auteurs, au premier rang desquels, bien sûr, J.R.R. Tolkien, qui inventa l'un de ces langages elfiques, le Kenya, avant même de commencer la rédaction de ses romans. Alors, si l'invention de ces langages fictifs est une tradition littéraire ancienne, d'Aristophane à Lewis Carroll, en passant par Cyrano de Bergerac, mais somme toute marginale jusqu'à présent, aujourd'hui, ces langages sont devenus indispensables à la fiction de l'imaginaire, au point que des linguistes sont appelés en renfort par les superproductions cinématographiques ou sérielles, ce qui fit dire à David Peterson, le créateur de nombreux conlangs, à une autre époque, il aurait été de mise d'improviser du charabia pour faire parler les extraterrestres et autres créatures fantastiques. Aujourd'hui, si vous réussissez à créer les dragons les plus réalistes que le monde ait jamais vus, mais que vos elfes déversent du charabia, l'illusion ne tiendra pas. Pour évoquer donc ces langages construits et leur histoire, nous sommes en compagnie de Frédéric Landragin, qui est chercheur en linguistique au CNRS et auteur de « Comment parler aux aliens » dans la collection Parallax aux éditions du Bélial. Peut-être, Frédéric Landragin, peut-être remonter justement un peu aux origines. C'est une vieille tradition, c'est une tradition littéraire très ancienne d'imaginer des langages qui n'existent pas. Oui, et en particulier dès qu'on est dans l'imaginaire. Donc vous avez parlé d'Aristophane, donc ça c'est vraiment très ancien. Peut-être que les exemples qui commencent à être les plus intéressants, c'est dans les années 1600, où il y a eu un certain nombre de romans qui sont parus, donc L'homme dans la lune de Francis Godwin, donc les romans de Cyrano de Bergerac qui se passent dans la lune et puis après dans le soleil, donc qui évoquent des expéditions de l'humain dans ce qui à l'époque faisait le rêve. Hein. Après, ça a été Mars ou Alpha du Centaure ou autre. À l'époque, c'était la lune, donc on imaginait qu'il y avait des habitants, les Sélénites, et qui parlaient une langue. Et donc, dans ces œuvres donc des années 1600, puis après 1700, enfin, il y en a eu plein, on a pu voir des inventions de langue avec, par exemple, de la musique. Ou des auteurs qui se sont amusés à décliner un certain nombre de noms, de verbes, pour imaginer une langue qui ressemblerait à une langue humaine. C'est-à-dire que souvent, en fait, on décrit une langue fictive, on dit qu'elle existe, mais on ne la construit pas encore tout à fait. Ben non, parce que on est dans le roman, donc il faut que la langue arrive au fur et à mesure de l'intrigue. On peut pas commencer un roman avec voilà, il se passe quelque chose, il y a un drame, etc. Et hop, on fait un traité de grammaire pour que le lecteur puisse comprendre exactement ce qui va suivre. Donc les mots sont introduits un par un, éventuellement par phrases qui sont potentiellement paraphrasé de manière à ce que on comprenne bien ce dont il s'agit. Ça, au cinéma, on le voit pas mal. Par exemple, dans La Guerre des Étoiles, quand on voit les dialogues avec Chewbacca, on comprend rien à ce qu'il dit, puisqu'il grogne, en gros. Mais les autres à qui il parle répètent un petit peu « Ah oui, tu dis que machin, et donc, ok, on comprend ». C'est ça, on va revenir là-dessus sur cet exemple de Chewbacca. Il y a une grammaire chez Vera Dallet, qui est un auteur du XVIIe siècle, un écrivain d'utopie. On trouve en annexe de l'histoire des Sévarambes une grammaire construite pour finalement décrire justement ce langage imaginaire. C'est la première grammaire de l'histoire de la littérature ? D'une langue inventée, peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un procédé qui a été pas mal utilisé après. C'est-à-dire que dans la fiction, on est obligé de faire en sorte que la langue soit introduite au fur et à mesure, mais donc juste par quelques phrases et donc que quelques termes, peut-être une cinquantaine ou une centaine. Or, il se peut que l'auteur a vraiment fait un travail de conception de langue qui a pris des mois, et donc il ait envie d'en rendre compte d'une façon autre que par la fiction elle-même, et il ajoute donc à son roman une annexe dans laquelle il met un dictionnaire, un lexique, une grammaire, des déclinaisons, et ainsi de suite. Alors évidemment, l'exemple canonique en littérature contemporaine, c'est bien entendu celui de Tolkien, je le disais tout à l'heure, hein, Tolkien qui a presque écrit ses romans pour donner un cadre aux langues qu'il avait inventées auparavant. Leçon numéro 1 donc, elfique, Kenya, dans Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, écoutez. Amalekdin. I antigwil arwen pudomier. Pilifo. Anidon i ebroniatha. Ada eperiatha. Ada limethi de damare. Anio. I kiratha navalamir. Ce choix lui appartient. C'est à vous de faire le vôtre, Aragorn. Vous élevez au-dessus de vos ancêtres depuis les jours d'Elendil. Vous sombrez dans les ténèbres avec ce qui reste de votre lignée. Namari. Voilà, conversation entre Galadriel et Aragorn en Kenya, qui est donc l'une des deux langues elfiques inventées par Tolkien et qu'il a donc écrite, créée en amont de ses premiers romans. Oui, alors ben c'est un exemple très célèbre. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que Tolkien, il connaissait très très bien le vieil anglais. Il s'en est inspiré pour toutes les langues qu'il a inventées. Il les a inventées pendant des années entières. Il a peaufiné les sons. Il a mis dans les langues qu'il aimait bien les sons qu'il aimait bien et dans les langues comme le parler noir, qui est le langage des orques. Voilà, les sons qu'il n'aimait pas. Donc il s'est vraiment amusé, voilà, à distribuer un petit peu les possibilités dans une langue ou une autre. Et alors, pour faire encore plus vrai, parce que c'est un peu ça le but, hein, quand on insère une langue inventée dans une fiction, le but c'est qu'elle fasse vrai, elle participe un petit peu au décalage temporel ou spatial que procure la science-fiction ou la fantasy. Et donc, pour faire encore plus vrai avec le Kenya, ce qui est intéressant, c'est qu'il en a fait une évolution, c'est-à-dire qu'il décrit un Kenya primitif, puis un Kenya tardif. Et donc, il va jusqu'à faire une diachronie dans les langues artificielles, ce qui est quand même un cas assez rare. Mais il faut dire que Tolkien, par ailleurs, est philologue de formation. Il a fait sa thèse sur le vieux norrois. C'est-à-dire que il le dit lui-même. Hein, il dit les récits furent imaginés avant tout pour constituer un univers pour les langues et non l'inverse. C'est-à-dire que finalement, son jeu à lui, son premier travail fictionnel, c'est la création du langage. Oui, et des sons en particulier, parce qu'il paraîtrait qu'il récitait les phrases qu'il écrivait dans les langues qu'il imaginait, avec même parfois un accompagnement au piano. C'est dire à quel point la musicalité est importante pour lui. Alors justement, Frédéric Landragin, comment est-ce qu'on construit un langage fictionnel ? Alors, le premier point d'accroche, on va dire, c'est quand même les mots. Parce que bon, quand on apprend une langue étrangère, ce qui nous intéresse le plus immédiatement, c'est d'apprendre les termes pour désigner un humain, une table, une chaise, ainsi de suite, quoi. Donc, inventer des mots, c'est une première étape. Donc le point de départ, finalement, c'est donc le vocabulaire. C'est le vocabulaire. D'accord. C'est faire un lexique. Et si c'est dans une œuvre de science-fiction avec des vaisseaux spatiaux comme Star Trek ou autre, eh ben, on va créer un mot pour les différents types de vaisseaux spatiaux, par exemple. Comme ces mots, en plus, n'existent pas de manière très, très, très précise, eh ben, on peut aller un petit peu plus loin dans la langue imaginée. Et puis bon, évidemment, comme ces mots, faut les prononcer. On s'intéresse aussi au son, donc aux phonèmes. Une langue comme le français comporte une bonne trentaine de phonèmes, donc c'est les voyelles et les consonnes que l'on prononce. Et tout l'intérêt d'un créateur de langue, c'est de construire un système de phonèmes qui fonctionne bien, qui soit voilà intéressant, et qui montre des oppositions de sons qui font sens. C'est ce qu'on entendait là, par exemple, dans l'elfique, c'est-à-dire que Tolkien le décrivait comme une langue qu'il voulait justement un peu flûter, avec des consonnes roulées, donc quelque chose de très très doux, contrairement par exemple au parler noir, donc au langage des orques, qui est très guttural, avec beaucoup de consonnes explosives. Voilà, exactement, c'est ça, tout à fait, oui. Donc on va chercher une sorte d'univers sonore, d'univers musical, finalement. Oui. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Oui. Alors, en fonction de la sensation, de la tonalité qu'on veut donner à ce langage. Exactement. Et alors, il y a des auteurs de science-fiction, comme Larry Niven, qui commencent par imaginer tout un tas de sons. Il dit des mots au hasard, un petit peu. Il les note. Et puis, après coup, il se dit, ça, c'est plutôt positif, ça, c'est négatif. Ça, je vais dire que ça va être des termes pour des choses agréables. Ça va être des termes pour des choses amusantes. Et puis ça va être pour des choses désagréables, pour la mort, la souffrance, etc. Donc, il commence par faire des sons un petit peu au hasard. Même, il tapait ses textes et comme nous tous, il fait des erreurs de frappe. Il s'intéressait à l'erreur de frappe qu'il avait faite pour se dire, je pourrais en faire un nouveau mot. Alors ça, c'est le point de départ, c'est le lexique de l'espace quand on est dans de la science-fiction, ça peut être autre chose, de la nature pour les elfes, etc. Une fois qu'on a posé ces premiers mots, quelle est la suite ? Comment est-ce qu'on construit une syntaxe, en fait ? Parce que ça paraît être un travail d'ampleur, un travail très complexe. Pourquoi est-ce qu'on déciderait justement d'imaginer une syntaxe qui soit différente de celle de la langue qu'on pratique, de notre langue natale ? Alors, c'est vrai qu'une fois qu'on a les mots, donc on a un lexique, la phase qui suit, c'est mettre les mots dans un certain ordre. Ça, c'est la syntaxe. Donc, en français, dans les autres langues, c'est ce qui nous permet de dire que dans une phrase, il y a un sujet, un verbe, un COD, ce qu'on apprend à l'école. Les groupes de mots ont une fonction et que quand le verbe est conjugué à la voix active, le sujet précède le verbe et on a ensuite le COD et ainsi de suite. Bon. Quand on crée une langue imaginaire, on peut prendre ce même type de fonctionnement, mais on peut aussi inventer des fonctions qui n'existent pas en français ou en anglais, ou inverser l'ordre des mots. et dire par exemple, bah tiens, dans telle langue, je vais imposer que le verbe apparaisse en premier, ensuite le complément, puis le sujet à la fin. Par exemple, un phénomène que l'on voit, bah encore une fois, dans la guerre des étoiles, avec le parler un peu particulier de Yoda, qui met le complément au début, donc ce qu'on pourrait dire, voilà, la force développée, tu dois. Alors ça, c'est pas une langue imaginaire, puisque là, il parle en français, enfin en anglais, dans là, mais ça montre un petit peu les jeux que l'on peut opérer sur les langues qui existent pour aller un petit peu plus loin et essayer de créer une langue imaginaire sur cette base. Tolkien est donc effectivement développé plusieurs langues pour son œuvre, donc je le disais, de langue elfique, le noir parlé, la langue des nains, aussi des langues pour certaines races d'humains. Il les a toutes développées au même point, il est allé jusqu'au bout. Alors je suis pas sûr, parce que justement le Kenya, c'est le rare exemple que l'on donne où il y a une évolution de la langue, et il a pas été jusqu'à imaginer une évolution des autres langues. Donc non. Pas forcément. Alors après, peut-être que ça dépend de la présence de certaines peuplades par rapport à un d'autres, ou juste aussi de son intérêt pour une langue par rapport à une autre. Une fois qu'on dispose d'un lexique, une fois qu'on a une syntaxe, ça y est, la langue existe, elle peut vivre, ou est-ce qu'il manque encore des choses ? Tout dépend, parce que effectivement, avec un lexique et une syntaxe, on peut quand même créer des phrases et les insérer dans un roman de manière à ce que ça fasse un peu vrai. C'est un kit de base pour de la littérature, voilà. En tout cas. Exactement. Pour le cinéma, faut ajouter tout ce qui a trait à l'audio. Donc, on a parlé des phonèmes, mais il y a la prosodie qui est très importante. Alors, qu'est-ce que c'est que la prosodie? Vous vous rappelez peut-être de l'ordinateur HAL dans le film 2001 Odyssée de l'espace, qui est censé parler avec un ton de voix très très neutre, et puis qui dit des phrases comme I'm sorry, Dave, I'm afraid I can do that. On voilà. Le fait très bien, je trouve. Et en fait, c'est une prosodie très, je suis très particulière. Voilà, il faut peut-être traduire pour nous. Oui, en français, je ne crois pas pouvoir faire ça. Voilà, c'est ça. Il lui demande d'ouvrir la porte pour pouvoir réintégrer le vaisseau, et que. Elle ne veut pas. Et donc, nous, en français, on a. En fonction de ce que l'on va dire, si l'on pose une question, si l'on donne un ordre ou si l'on émet une affirmation, chacune de ces phrases va avoir un contour intonatif différent. En général, on dit que la question finit par un ton qui monte, parce que c'est le point d'interrogation, c'est la manière de le retranscrire à l'oral, ou plutôt c'est l'inverse, mais bon. De montrer à l'écrit qu'on est dans une formule interrogative. Alors que quand on émet un ordre, il y a un rythme qui peut être assez sec. Et quand on affirme quelque chose, le contour, il descend. Que vous venez de faire. Exactement. Alors pour une langue imaginaire, on peut s'inspirer de ces trois cas-là, on peut en inventer d'autres. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas que la langue soit plate et monotone, sinon on va s'ennuyer. D'ailleurs, pour rester dans la adaptation de Peter Jackson, il y a un linguiste donc, qui a été embauché pour développer un peu plus certaines des langues et pour traduire une partie des dialogues qui n'étaient pas inclus dans le livre. Et David Salon, qui était ce linguiste, a travaillé avec des phonéticiens pour travailler avec les comédiens, parce qu'ensuite il faut entraîner les comédiens à parler cette langue qui n'est pas une langue naturelle, encore une fois. Ben oui, il faut qu'ils répètent et qu'ils répètent bien. En l'occurrence, il faut qu'ils apprennent par cœur. On leur demande pas d'apprendre les règles de grammaire et de pouvoir devenir bilingue anglais-kenyan en l'occurrence. Non, ils répètent. Ils répètent. Le but, c'est ils entendent et ils miment. Mais du coup, ce sont les phonéticiens qui font en sorte que depuis le début du film jusqu'à la fin du film, ce soit cohérent et que ce soit à peu près quand même les mêmes sons qui sont prononcés. Et c'est pour ça que eux, ils sont là, ils servent parce que ils ont des systèmes de notation, ils codent ça et ça leur permet de guider tous les acteurs. Néanmoins, ces langues-là, elles peuvent être apprises. On peut apprendre à parler kenya à partir de la grammaire de Tolkien, ou on peut apprendre à parler klingon. Il existe même un institut de formation au klingon, c'est dire. Alors oui, on peut. Bon, on va dire, c'est quand même essentiellement pour les fans. parce que dans la vie de tous les jours, vous n'allez pas commander votre baguette en klingon. Voilà, pas en klingon, ça n'a pas beaucoup de sens. On peut jouer au Boggle en klingon, ça peut être amusant. Si on est geek, il y a plein de jeux. Voilà. Mais la question, c'est est-ce que ces langues sont développées à un point tel qu'elles peuvent devenir opérantes ? C'est-à-dire qu'on peut effectivement finir par devenir bilingue, français kenya ou français klingon ou d'autres, ou français de traki, je ne sais pas. Pour ça, faut la parler régulièrement avec d'autres personnes qui la parlent également. Donc ça peut être dans le cercle de la famille, ça peut être dans le cercle d'amis ou de fans, si on fait partie d'un club de fans de Star Wars ou Star Trek. Donc il faut s'entraîner et continuer à apprendre des mots tout le temps. Ça veut dire que les langues sont suffisamment développées, le vocabulaire des langues est suffisamment développé par rapport à une langue normale, une langue réelle, pour pouvoir être pratiqué dans tous les contextes ? Non. Alors, une langue comme le français, si on regarde le dictionnaire, il y a 50 000 termes dans les entrées. Bon, c'est absolument énorme. D'ailleurs, on ne les connaît pas tous. Quand on parle dans la vie de tous les jours, on peut utiliser 2000, 3000, peut-être 5000 termes. On a besoin de combien de mots pour pouvoir communiquer Ben, un millier, c'est quand même vraiment le minimum. 5000, ça serait bien quand même. Ce qui est sûr, c'est que la plupart des langues fictives sont dans cet ordre de grandeur-là. On est très très loin des 50 000 termes du dictionnaire français. Alors là, on a parlé d'une langue qui a été développée, pensée, travaillée par un philologue, J.R.R. Tolkien, qui a donc fait un travail quasi scientifique pour développer ces langues elfiques. Mais toutes les langues construites ne partent pas du même point de départ. Écoutez cet extrait de ce langage qui est peut-être aujourd'hui le conlang, hein, pour le constructed language, le langage construit le plus parlé et le plus populaire au monde. I'm going in. Voilà l'extrait de la toute dernière mouture de la série Star Trek Discovery, c'est du Klingon que vous venez d'entendre. Le point de départ du Klingon, ce n'est pas du tout du travail d'un philologue, c'est l'un des personnages de la série Scotty James Doohan, qui était le... Vous vous souvenez certainement de ce mécano écossais qui a commencé à proposer des termes. Et puis, finalement, pour le premier film, en fait, c'est un linguiste qui s'en est saisi, Mark Okrand, et qui a développé le Klingon, qui est aujourd'hui, Frédéric Landragin, la langue fictive la plus parlée, la plus développée au monde. On peut dire ça ? Dans les langues fictives qui sont faites pour imiter des langues qui ont émergé chez une population, oui, ça c'est bien possible. Après, on a aussi inventé des langues comme Esperanto, oui, Volapük et ça, qui sont peut-être plus utilisées. Je parlais des langues de fiction utilisées dans la fiction et pas effectivement les langues construites comme le Volapük ou l'Esperanto. Néanmoins, vous le disiez, le Klingon aujourd'hui, il a son propre institut, le KLI. Le Klingon Language Institute, qui a été fondé en 1992 en Pennsylvanie. Oui, ce qui est quand même un signe que voilà, il y a une demande. Hein. Très clairement, il y a des fans qui sont des demandeurs pour apprendre une langue et s'en servir dans leur petit cercle d'amis, quoi. Hein. La fanbase de Star Trek est très très étendue. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter à propos du Klingon, de cette langue qui a été petit à petit développée, dont vous l'avez entendu, hein, dans des sonorités beaucoup plus gutturales, beaucoup plus dures. Alors, il y a les aspects phonétiques, effectivement. Il y a aussi, alors, on a tendance en linguistique à classer les langues en famille. Donc, il y a des familles indo-européennes, etc. Et on a tendance aussi à regarder comment fonctionne la langue. Est-ce que il y a des flexions ? Est-ce que c'est une langue agglutinante ? Donc, le Klingon est une langue agglutinante. C'est-à-dire, c'est quoi une langue agglutinante ? C'est-à-dire qu'on a tendance à concaténer des morphèmes, enfin des mots ou des bouts de mots pour en faire des mots qui peuvent être très très longs. Comme l'allemand. Comme l'allemand pour, voilà, pour les chiffres et compagnie. Mais l'allemand, je crois, n'est pas une langue agglutinante. Il me semblait qu'on pouvait en allemand rajouter des... Alors, peut-être composer pas, des mots oui, de plus oui. en plus longs. Voilà. On va dire en partie. D'accord. Mais en tout cas, voilà, si on se met à la place d'un créateur de langue, eh ben, il va regarder un petit peu ce qui existe sur Terre, parce qu'il y a quand même 7000 langues qui sont parlées actuellement dans le monde, et faire un choix entre bah, est-ce que je vais prendre une langue qui ressemble plutôt au chinois, avec les tons, est-ce que je vais prendre une langue qui ressemble plutôt au français ou... Les langues indo-européennes. Voilà, ou à des langues amazoniennes qui ont des particularités. Enfin, toute langue a ses particularités et ça fait un stock de possibilités qui est absolument énorme. C'est vrai qu'on a tendance souvent à comparer ces langages fictifs à des langues parlées réelles parce que ça permet de donner des repères. Alors, le Klingon, ça ressemblerait à quoi comme langue? Alors, ce qui est sûr, c'est que quand on crée une langue, on part quand même pas de zéro, parce que c'est vraiment très très dur de se dire bon bah je vais imaginer un certain nombre de mots qui vont être des noms, qui ressembleront à des noms. Je vais imaginer un certain nombre de verbes. Donc, en général, les gens qui font ça, ils partent de deux ou trois langues qu'ils connaissent et ils les mélangent et ils en font en fait ce qu'on appelle des chimères. Donc, alors, il se peut que le Klingon soit une chimère de l'anglais, du russe. Comment est-ce qu'on peut expliquer la popularité du Klingon? Pourquoi est-ce que cette langue-là en particulier, au point qu'on a fini par fonder un institut linguistique? Oh bah, je pense que c'est le succès de la série. Hein. C'est à la télé. Il y a eu un tel nombre de spectateurs. Ça, en plus, après, il y a eu les films qui ont suivi. Du coup, dès qu'il y a un film, eh ben, on fait un peu plus attention à la manière dont la langue est rendue à l'écran. Phonétiquement. Et du coup, on sent qu'il y a un travail derrière et ce travail, il intéresse les gens, très clairement. Est-ce qu'il faut nécessairement, quand on crée une langue fictive, développer un alphabet propre ou pas, Frédéric Vandragin? Alors, toutes les langues ne sont pas alphabétiques. C'est le cas de celles qu'on connaît, nous. Hein. Donc, c'est quand même assez pratique. Parce qu'une langue alphabétique, ça veut dire qu'avec un certain nombre de lettres de base, pas en trop grand nombre, on va avoir une multitude de possibilités en les combinant les unes aux autres. C'est beaucoup plus facile que de faire un son par mot. Parce que vu le nombre de mots qu'on veut mettre en place, par exemple 2-3 000, s'il fallait imaginer 2-3 000 sons, on n'y arriverait jamais, quoi. Ou 2-3 000 signes sur papier, ça serait un peu compliqué. Alors qu'avec un alphabet, eh ben, on sépare un petit peu le problème en sous-problème, et du coup, c'est plus facile à gérer. Donc l'alphabet du Klingon est arrivé très très tard dans l'histoire de la langue. Il a été développé a posteriori. Le Klingon, c'est un peu l'inverse de l'elfique de Tolkien, hein. C'est-à-dire que l'elfique de Tolkien, tout a été fait en amont. Le Klingon, ça a été développé au fur et à mesure que l'univers de Star Trek se développait et que le nombre de fans augmentait. Il y a une anecdote intéressante avec le Klingon, c'est qu'un membre du Klingon Language Institute a tenté d'élever son fils en bilinguisme anglais-Klingon. Et ça a été un échec patent, ça n'a pas marché du tout, précisément pour une chose qu'on évoquait tout à l'heure, c'est le manque de vocabulaire concret, pratique, pour pouvoir... d'écrire le monde. Oui, alors il y a ça, et il y a aussi un autre point très important, c'est que faut pas oublier que quand on invente une langue, on fait exactement le contraire de ce que l'évolution a créé. C'est-à-dire ? L'évolution a fait que les langues, comme le français, l'anglais, ont évolué petit à petit. Et que on parlait pas la même langue en France il y a 3 siècles, 5 siècles, et encore moins il y a 10 siècles. Il y a eu l'ancien français, hein, le moyen français, etc. Une langue évolue. Et c'est pour ça, d'ailleurs, hein, on parle de langue vivante. C'est parce que les gens se l'approprient et la font évoluer. Ils introduisent de nouveaux mots, ils introduisent de nouveaux sens à des mots qui existent déjà et qui, du coup, peuvent être, dans certains cas, assez ambigus. Or, quand on impose une langue comme alors Esperanto, Volapük, ou une langue qui a été inventée pour les besoins d'une œuvre de cinéma ou de littérature, eh ben, on impose en quelque sorte une espèce de code assez strict. Et si les gens n'arrivent pas à s'approprier ça et à le faire évoluer par leur propre façon, ça ne pourra pas être une langue comme le français, qui évoluera, qu'on donc fera apprendre à ses enfants, qui eux-mêmes apprendront à leurs enfants et avec des échanges en permanence. Il y a un minimum de locuteurs minimum pour qu'une langue justement devienne vivante ou perte de sa vivacité. Est-ce que, par exemple, si on enseignait, il faudrait qu'il y ait un groupe de combien de personnes pour que le Klingon puisse commencer à évoluer naturellement dans ses usages à la pratique? qui est vraiment plusieurs milliers, ça c'est clair. Alors, tout à l'heure, je disais qu'il y avait 7000 langues qui étaient parlées actuellement dans le monde, et je crois qu'il y en a 500 qui ne sont parlées plus que par une centaine de personnes. Donc, qui sont en danger critique, parce que c'est vraiment trop peu. Alors, d'une conception de l'espace à l'autre, de Star Trek à Star Wars, là, on parle de langues articulées avec un vocabulaire, des mots prononcés, un alphabet, mais dans l'espace, certains langages sont plus grognés que d'autres. Vader's on that ship. Now, don't get jittery, Luke. There are a lot of command ships. Keep your distance, though, Chewie. But don't look like you're trying to keep your distance. I don't know. Fly casual. Voilà, Chewbacca qui grogne, mais manifestement, d'autres personnes, nous, on comprend pas très bien ce qu'il dit, mais néanmoins, c'est un langage, puisque Han Solo lui répond. Oui, alors ça, c'est clair que le spectateur, il comprend rien, de rien du tout. Hein. C'est un peu comme avec Groot dans les films de Marvel, où il dit un truc, et finalement, en fait, il dit toujours la même phrase, mais en fonction de l'intonation, ça veut dire des choses radicalement différentes. Voilà, bah, c'est un peu ça le truc. C'est un peu comme les tons dans le chinois. Donc, dans le chinois, un même son, Chang, A, enfin, voilà, peut être prononcé avec un différent ton, c'est-à-dire un contour qui monte, qui descend, qui monte, puis descend, ou un contour plat. Et en fonction de ce ton, ça va être un mot du lexique ou un autre. Bah, on peut imaginer que c'est exactement la même chose dans ce cas-là, de Chewbacca, où un grognement de type grou va avoir 4 ou 5 sens en fonction de la hauteur à laquelle il va la dire. Est-ce que ça monte, ça descend, même si c'est un tout petit peu. Alors nous, évidemment, on n'a pas une oreille qui est entraînée. Donc on n'a pas une oreille de Wookiee. Voilà, donc on va pas comprendre. Mais si la langue a été bien construite, normalement, on devrait les détecter. C'est intéressant cette notion d'intelligibilité parce que il y a certaines langues, là, celles qu'on a évoquées, le klingon, l'elfique, où évidemment on ne comprend rien et ça n'est pas le but, mais on peut créer des langues de fiction dont on espère que les personnes qui vont la recevoir, que ce soit lecteur ou spectateur, quand même discernent un peu de sens derrière ce qui est dit. Ça peut être des néologismes, ça peut être des langues qui tendent vers une sorte d'internationalisme, ou voire éventuellement même des processus de réduction de langues comme la fameuse neuve langue d'Orwell. Oui, alors là, il y a plein d'exemples en science-fiction. Hein. Le pistolet laser, typiquement, bon bah voilà, pistolet et laser, comme il y a le là qui se ressemblent énormément. Hop, on fusionne et on fait un nouveau mot qui est le pistolet laser. Maintenant, à l'heure actuelle, ça fait un peu ringard. C'est mais un peu ringard. Mais c'est chez Philip K. Dick, par exemple, pour les précognitifs. Exactement, le CONAPT pour les appartements dans qu'on Ubique. Partage dans Ubique. Il y a plein de mots qui ont été inventés comme ça par haplologie. Donc, on prend deux mots et quand la dernière syllabe du premier mot ressemble à la première du deuxième mot, on concatène, enfin, on en supprime une et on fait un mot plus court et plus percutant, du coup. Ça, c'est un grand classique de la science-fiction, c'est le néologisme. Oui. On n'est pas dans la construction de langue, mais tout de même, on est dans une forme d'évolution, d'évolution un peu à marche forcée, de projection de ce que serait une langue donnée dans le futur. En tout cas, de son lexique. Parce que on peut imaginer que plus un objet technologique, par exemple, va être utilisé, plus ça va amener à des abréviations, à des liens avec d'autres objets et donc des concaténations de deux termes en un seul. Donc oui, exactement. Il y a aussi, si on regarde chez Herbert, par exemple, parfois la création d'un univers, d'une mythologie, ces fameux univers-mondes de la science-fiction, où là, au contraire, on cherche à aller trouver des noms, des expressions qui ne sont pas exactement le développement d'une langue fictive complète, mais si on pense au Kwisatz Haderach dans Dune, par exemple, Bene Gesserit, on crée tout de même un univers qui passe finalement par la médiation du langage, par l'étrangeté du langage, pour agrémenter une mythologie. Et là, en particulier, ce sont des noms propres. Donc, le Kwisatz Haderach, c'est le nom qu'on donne à l'élu. À l'élu, exactement. Et le Bene Gesserit, c'est un ordre de femmes qui ont des pouvoirs, enfin bref. Et donc, ce sont des noms propres. Alors, par un nom propre, on peut l'inventer de A à Z. Ça, on a la liberté totale de faire ce que l'on veut. Et donc, c'est un moyen, effectivement, très, très efficace de faire passer des consonances exotiques pour accentuer le décalage spatial et temporel qui est propre à la science-fiction. Après, dans Frank Herbert, il y a des choses un peu plus subtiles. Par exemple, donc les Fremen, qui sont la population des gens qui habitent sur Dune et qui se sont adaptés aux conditions de vie, très rudes, voilà, où il n'y a pas d'eau. Ils ont des combinaisons qui récoltent leur eau du corps, quoi, et qu'ils appellent des distils. Et ça, c'est une invention assez intéressante parce que c'est une invention du traducteur. En anglais, c'est still suit. En français, donc, un distil, le mot n'existe pas, en tout cas en nom commun, mais il existe en tant que verbe. Bon, bah, donc, on s'inspire du verbe pour créer le nom qui est lié au verbe. J'aimerais vous entendre aussi sur cette nouvelle langue chez Orwell dans 1984, où là, au lieu de créer une nouvelle langue, au lieu de développer une langue avec des nouveaux mots ou des néologismes, en fait, au contraire, c'est une réduction. Oui, alors il y a plein de choses chez Orwell, parce que... C'est quoi, rappelez le nouvelle langue, qu'est-ce que c'est dans la façon dont le décrit Orwell dans 84? Oh bah c'est la langue qui est imposée par le gouvernement, hein, tout simplement. C'est un phénomène qu'on retrouve dans pas mal de romans dystopiques, voilà, de cette époque-là, où en particulier on pensait que si on impose une langue aux gens, on va en quelque sorte imposer un petit peu leur pensée. En tout cas, on va la cadrer. Et donc, bah, c'est le totalitarisme. En fait, bon, ça marche pas vraiment comme ça. C'est pas parce qu'on impose une langue qu'on impose des choix de pensée, heureusement. Les gens qui sont très anti-impérialistes américains vont vous dire que c'est le premier élément du soft power américain, c'est la généralisation de l'anglais comme langue internationale. Hein. Ça, c'est une autre question. Et donc, dans 1984, alors il y a trois vocabulaires, le vocabulaire A, le vocabulaire B, le vocabulaire C, qui compartimentent un petit peu bah, justement des espèces de catégories de pensée. Et il y a en particulier une réduction, comme vous le disiez, qui consiste à diminuer le nombre de mots, mais à ajouter des morphèmes pour dire, par exemple, le contraire d'un mot. C'est-à-dire que on va avoir le mot bon et on va avoir, au lieu d'avoir le... Alors, je crois que c'est dans ce sens-là. Au lieu d'avoir le mot pas bon, on va dire pas bon. Si c'est très bon, on va dire double bon, double plus bon. Enfin, il y a tout un tas On dit pas mauvais, mais en fait, voilà. Il y a un petit jeu sur donc ce qui s'appelle la morphologie, hein, c'est-à-dire... On ajoute des préfixes ou des suffixes à des mots pour en faire un nouveau sens. Alors, et puis on peut aller jusqu'à, dans la réduction couplée à la problématique d'intelligibilité, on peut aller jusqu'à trouver une sorte d'espéranto, de volapük ou de langue universelle, en tout cas avec l'intention d'être comprise par à peu près toute la population mondiale. C'est un défi compliqué, même pour des petites créatures jaunes complètement stupides. Les boss in England? Ah, nous les filles dans les boss! Pétard! Ah, Bello Kevin? Tous les lycées England? Les boss, si. Scarlett Pompepil. Ah! Voilà, vous aurez reconnu peut-être les mignons avec cette espèce de langage qui n'est pas sous-titré, pour le coup, qui prend... Bah, les mignons, alors c'est une création, ça sort du dessin animé Moi, Chez Méchéant, qui est une création d'un studio français, donc ça emprunte un peu au français, ça emprunte un peu à l'espagnol, ça emprunte un peu à l'anglais, c'est une sorte de gloubi-boulga, comme ça, de langue indo-européenne. Dans l'extrait, j'ai cru reconnaître Boss, un moment, ouais, Boss, ou England. England, ouais. Et voilà, donc on voit qu'il y a quelque chose, c'est juste des petits mots qui servent un petit peu de déclencheur de sens, et puis après, bon, bah, c'est enrobé dans une phrase qui veut rien dire, mais il suffit qu'on ait deux, trois mots-clés pour qu'on imagine un petit peu le sens de la phrase, quoi. Comme ça, c'est un peu dur, mais en lien avec l'image. Voilà. Mais ça rejoint cette tentation, qui est une tentation là aussi historique, de créer une langue de Babel, une langue universelle qui pourrait être comprise par tous, ce qui est, on a évoqué deux, trois fois le volapük ou l'espéranto, qui n'a jamais pour vraiment tout à fait pris dans les populations. Alors ça, c'est un grand fantasme. On aimerait qu'il existe une langue qui soit tellement simple à apprendre que on n'aurait aucun effort à le faire, alors que on sait très bien que pour apprendre anglais ou allemand, il nous faut des années d'études, et puis bon, bah, c'est dur, faut apprendre des déclinaisons par cœur, c'est pas très marrant. On aimerait qu'il existe une langue universelle qui soit très très simple, au point que l'apprendre se ferait en quelques heures. Et d'ailleurs, c'est un fantasme qui a inspiré de nombreux auteurs. Hein. On la retrouve, tout à l'heure on parlait de Cyrano de Bergerac. Il y a un passage où les humains qui vont sur la Lune apprennent la langue des Sélénites et ils s'aperçoivent qu'ils la comprennent comme ça en un rien de temps. Bon, c'est un mythe. C'est un mythe, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Sinon, on le saurait, quoi. Et alors, ce qui est sûr, c'est que des initiatives comme le Volapük ou l'espéranto, c'est surtout un moyen de simplifier les échanges internationaux, pour les échanges commerciaux, pour les sciences aussi, et donc de créer une langue à partir des, quand même, qui a inspiré des langues les plus utilisées, hein. En tout cas, on retrouve des racines qui sont les mêmes que dans le français ou l'anglais en partie, pour simplifier les échanges. Si ça avait marché, tous les échanges scientifiques ou politiques se feraient en espéranto. C'est pas le cas, on voit bien que c'est l'anglais qui a pris le dessus. Et pour revenir au soft power et pour finir par là où nous avons commencé avec David Peterson, l'homme qui a détaillé, réécrit et développé les langages de la série Game of Thrones et principalement le Dothraki, c'est le langage des cavaliers barbares. Écoutez. Sani sofri vekayom. So vos sor atadahari anni. Vos sofro reshi. Reshi. Sek. Talan ragat evethemal. Yato finni ete yom. Kisha vastoki vos arexas vidom adore cecate. Vos adorme. Me. Throne. Tron. Ador finan kal navesoe. J'ai. Voilà ce langage barbare qui a été très très nettement développé et extrapolé à partir des quelques mots qui étaient présents dans le livre de George Martin. Frédéric Landragin, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le Dothraki ? Ça, je suis quasiment sûr que dans le livre initial, la langue est peu développé en fait. Il y a quelques termes et puis c'est à David peu près tout. C'est vraiment David Peterson qui l'a complètement développé. Qui a fait tout ce qui allait autour, la création du lexique, de la syntaxe et puis de leurs utilisations en contexte aussi. Ça veut dire que ces extraits-là que vous entendez sont sous-titrés dans la série. Ils sont sous-titrés dans le langage que vous choisissez en anglais ou en français, peu importe. Et en fait, tout le travail qui a été fait, il n'a qu'un but, c'est de faire vrai. C'est de faire en sorte qu'un spectateur ait l'impression qu'il s'agit d'une langue naturelle comme celle qu'il connaît. Mais c'est intéressant parce que c'est un élément de réalisme assez nouveau. C'est David Peterson, je le citais tout à l'heure dans l'introduction, qui disait, vous pouvez faire les dragons les plus réalistes qui soient, si les elfes parlent du charabia, vous perdez toute crédibilité. Aujourd'hui, c'est devenu un élément de crédibilité nécessaire de créer ces langues fictionnelles. C'est devenu une nouvelle mode en quelque sorte. En particulier pour ce type de fiction qui se passe dans un univers imaginaire qui n'est pas le nôtre. Donc oui, de même que si on prend un film qui parle de la gravité, s'il y a une erreur de physique, ça casse la magie. Donc si la langue elle est trop simple et on sent qu'il y a la répétition constante d'un même terme ou de trois ou quatre termes, on va se dire ok, c'est pas vrai quoi. Les langages construits, les conlangues, c'est devenu le nouveau maître étalon du réalisme dans l'imaginaire, en tout cas au cinéma et à la télé, dans les séries. C'est vrai que en fantasy en particulier on le voit de plus en plus, et on le voit aussi en science-fiction à partir du moment où il y a des aliens qui débarquent sur Terre ou l'inverse. Je pense par exemple. Ils font pas ac-ac-ac-ac. Voilà. Alors ça c'est amusant. Donc comme c'est amusant, on passe quoi. On est d'accord, on s'amuse, c'est parfait. Par contre, je pense au film de Villeneuve. Arrival. Voilà. Premier contact en français. Premier contact. Où c'est plus une langue à l'écrit qu'à l'oral, mais en tout cas il y a un véritable travail de construction de cette écriture qui est très belle là en forme de cercle. Et dont nous avions parlé à ce micro. On va vous renvoyer à l'émission que nous y avions. consacré avec Roland Lehoucq, justement autour de, exactement. De ce chapitre qui est dans votre livre « Comment parler à un alien ». Voilà, et du coup, par rapport aux anciens films où les aliens débarquent et ils arrivent, ils parlent l'anglais du XXe siècle avec un accent. Voilà, bon, bah non, on voit bien qu'il y a un décalage et que si on veut que la fiction fasse sens, qu'elle immerge le spectateur dans l'histoire, on a tout intérêt à faire en sorte que les langues qui sont mises en scène soient bien mises en scène. La linguistique est devenue finalement une problématique de fiction de l'imaginaire aujourd'hui. Oui, on n'aurait peut-être pas pu l'imaginer. Regain d'études linguistiques. Non, c'est intéressant, par exemple, si on prend le Dothraki, donc ce sont des cavaliers barbares, un peu brutaux, dans une société voilà, très, très hiérarchisée, avec un chef puissant qui peut être néanmoins révoqué, challengé, défié. On trouve, par exemple, que sur le Dothraki, dans le langage qu'a développé David Pearson, il n'y a pas de masculin, il n'y a pas de féminin. Oui, alors ça c'est vrai que ça c'est aussi donc des phénomènes qu'on trouve dans certaines langues humaines hein, donc le genre et le nombre. Nous on est habitué à ce qu'il y ait le masculin, le féminin, le singulier et le pluriel, mais dans plein de langues c'est pas le cas. Il y a trois genres, il y a trois ou quatre nombres. Il y a par exemple un duel qui veut dire qu'il y a deux personnes et non pas une seule ou plusieurs. Il y a un intermédiaire. Et puis en allemand par exemple, il y a le neutre. Il y a le neutre en plus du masculin et du féminin. Donc, un créateur de langue a tout intérêt à s'inspirer de ce genre de phénomène et d'aller un petit cran plus loin. C'est ça. Là, pour le Dothraki, donc il n'y a pas de masculin-féminin, mais il y a une distinction animé-inanimé, par exemple. En Klingon aussi, je crois. Il y a animé, il y a objet, et je ne sais plus quoi. Il y a trois genres qui sont pas les nôtres, très clairement. Le Dothraki, il y a tout de même cinq déclinaisons. C'est intéressant parce qu'on parlait tout à l'heure de l'alphabet. Il n'y a pas d'alphabet pour le Dothraki. C'est-à-dire que c'est une langue qui a été développée sans alphabet, juste sur des sonorités, puisque c'est une langue strictement orale, que c'est une langue de barbare, donc elle n'est pas écrite. C'est compliqué de développer une langue, en disant qu'il n'y aura pas de forme écrite de cette langue. Alors, c'est compliqué pour les gens qui s'occupent du film, parce que il faut qu'ils notent tout ce qui est dit, tous les dialogues, dans un alphabet qui sert à décrire la phonétique. Par contre, si on regarde la vraie histoire, c'est comme ça que les langues sont nées. Les langues sont avant tout orales. Elles ne deviennent elle acquiert le statut d'écrit que très tardivement, oui. Et puis Dothraki, il y a évidemment, comme c'est dit d'ailleurs à un moment donné dans la série, il n'y a pas de mots pour dire merci, c'est une langue d'un peuple rude et brave, donc on ne remercie pas. Moi je vais vous remercier dans quelques instants puisqu'on arrive à la fin de cette émission, mais juste une question pour finir. Puisque aujourd'hui David Pearson, hein, celui qui a développé les langages construits pour Game of Thrones, a fondé une association à but non lucratif qui s'appelle la LCS, la Language Creation Society. Donc c'est aujourd'hui une affaire qui roule, en tout cas quelque chose qui est en plein développement. Quel serait votre langage préféré à vous, Frédéric Landrieu? Alors dans tous les exemples qu'on a cités, je crois que j'en ai pas vraiment. Moi, j'ai lu deux, trois œuvres de science-fiction ou de fantasy qui m'avaient interloqué. En particulier, il y a un ouvrage qui s'appelle Ward de Frédéric Verst, où il écrit son roman. En fait, c'est une succession de poèmes, de mythes d'un peuple qu'il imagine. Et dans son livre, et ben la page de gauche c'est écrit dans la langue imaginée, la page de droite c'est en français. Et après, à vous lecteurs, et ben de faire les rapprochements, de lire la page de gauche avec les sons qui sont celles de la langue, en tout cas en essayant de s'en rapprocher. Et puis au moins à la page de droite, vous avez le sens. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, en tout cas, Frédéric Landrajin. Merci d'être venu nous parler de ces langages imaginaires. Je rappelle que vous êtes l'auteur de « Comment parler à un alien, langage et linguistique dans la science-fiction ». C'est aux éditions du Bélial, dans la collection Parallax de Roland Lehoucq. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Nomina Guetzin-Vulfranc, Céline Lausanne, Éléonore Pérez, Émilie Valla à la réalisation toute cette semaine. Et Marie Le Peintre à la technique dans les prochains épisodes de La Méthode Scientifique. La semaine prochaine, lundi, Nous parlerons d'hibernation avec cette sortie précoce de l'hiver, ce sera d'actualité. Mardi, nous irons faire un tour dans l'histoire géologique des Andes. Mercredi, il sera question des rovers d'exploration spatiale. Jeudi, nous parlerons et nous raconterons l'histoire de la médecine arabe. Et puis vendredi, ce sera vendredi consacré à l'actualité des sciences et de la semaine, une table ronde avec nos camarades de la presse et du web scientifique. Demain, comme tous les jours et tous les samedis, ne ratez pas à 16h la conversation scientifique du camarade Étienne Klein. Nous, on se retrouve lundi à 16h, jusqu'à preuve du contraire.